Travail à cœur, Marilyn Gomez. Bonjour à tous et bienvenue. La démocratie sociale et justice en France aujourd'hui, c'est le thème de notre émission. Fabrice Vert, pendant cette crise, est-ce que la continuité du service public a été correctement assurée ? Effectivement, ce que vient de dire cher maître, on peut comprendre que les avocats soient un petit peu irrités, ou en tout cas un peu désarçonnés, de voir le fonctionnement différent selon la juridiction, selon l'endroit où on se trouve. Et effectivement, peut-être que des consignes nationales auraient pu être données pour qu'il y ait une certaine harmonisation de l'ensemble, sur l'ensemble du fonctionnement de la justice, qui s'est fait, en fait, c'était des plans de continuation d'activité qui étaient un peu décidés au niveau local. Bon, alors, c'est vrai que toutes les juridictions ne sont pas comparables en taille, et on sait bien que la carte judiciaire, parfois, n'est pas tout à fait conforme à l'activité économique et à la population. Mais il est vrai que, effectivement, au niveau du fonctionnement en période de crise, alors, ça a démontré quand même notre insuffisance en matière informatique. Nos greffiers n'ont pas d'ordinateur portable. Je ne pouvais pas correspondre. Moi-même, j'étais en confinement avec mon ordinateur où je rédigeais mes ordonnances. Mais on n'a pas de connexion au site webisé, c'est-à-dire aux applications webisées. Alors, en matière pénale, paradoxalement, ils sont plus webisés que nous. Donc, nous, au civil, on était un petit peu en difficulté pour fonctionner avec nos greffiers qui n'avaient pas d'ordinateur portable et qui étaient confinés. Alors, il y a eu quand même un fonctionnement minimum en matière de référé en ce qui me concerne. C'est ce qu'on appelle les référés de raveur extrêmement urgents où le président donc, du tribunal donc, fixait ses référés. Mais il est vrai que l'activité quand même a été réduite dans certains domaines. Mais bon, des collègues aussi ont été présents. C'est-à-dire qu'il est faux de dire... Alors j'ai entendu les débats, vous vous rappeliez, certains avocats très excessifs dénonçant mes collègues. Il y en a qui étaient sur le front, hein, les juges d'application des peines, les pénalistes, etc. Beaucoup ont travaillé, des greffiers dans des conditions très difficiles. Donc d'ailleurs, se jeter l'anathème entre avocats et magistrats, c'est absolument non constructif, comme avec les hommes politiques. On est tous au service de l'État, chacun sa place, hein, l'ordre judiciaire ayant une fonction d'indépendance et d'application du droit. Mais normalement, on devrait tous contribuer quand même à agir ensemble pour le bien national et de nos concitoyens. On œuvre normalement dans la même direction. Voilà. Donc pour revenir en fait à cette question de la mobilité professionnelle entre les avocats et les juges, elle pourrait être renforcée en étant avec une politique volontariste ou pas ? Alors, il y a déjà quand même beaucoup d'anciens avocats qui sont devenus magistrats. Des magistrats qui deviennent avocats, beaucoup moins, à ma connaissance. Alors certains, si, bon, sont connus d'ailleurs. Oui. Certains, à la retraite essentiellement. Oui, à la retraite, Bon, deviennent parfois journalistes, avocats, etc. Mais en activité, c'est beaucoup plus rare de voir un magistrat devenir avocat que l'inverse. Il y a quand même une ouverture du corps judiciaire avec des recrutements latéraux. Et effectivement, il y a de plus en plus quand même d'avocats qui deviennent magistrats au bout d'un certain temps de carrière d'avocat. Fabrice Vert, avons-nous besoin de plus de dialogue aujourd'hui ? Je pense que dans notre société, effectivement, il faut du dialogue. Alors, pour revenir au mode amiable de résolution des différends, à la médiation et à la conciliation, on ne cherche pas à éradiquer le conflit. Comme dit Hannah Arendt, le conflit, c'est consubstantiel à la démocratie. Ce qu'on cherche à réduire, c'est le coût du conflit, d'éviter que le conflit ne se règle de manière violente avec beaucoup de conséquences néfastes. Je pense aux enfants. Bon, ça a démarré comment, la médiation moderne, entre guillemets, puisque c'est un concept philosophique qui existe depuis la nuit des temps et qui est appliqué d'ailleurs de manière beaucoup plus importante dans certains pays, hein, les palabres en Afrique, dans les pays asiatiques, devant la justice, il ne faut pas perdre la face. Donc il y a des pays qui ont beaucoup plus développé quand même une justice apaisée en favorisant le dialogue. Nous, on a une justice qui est quand même construite. C'est Napoléon qui a quand même mis en... Père de droit civil. Et les juridictions qui sont très piramidales, hiérarchisées, etc. le dialogue, ça implique plutôt de l'horizontal que du vertical. Ça implique peut-être moins de cérémonial. Alors d'ailleurs, il y a des salles au Nouveau Palais de Paris qui se prêtent plus à la médiation et à la conciliation. Effectivement, je pense que le dialogue, que ce soit d'ailleurs dans notre profession judiciaire entre avocats et magistrats, devrait être beaucoup plus fort, à instaurer des réunions beaucoup plus importantes et régulières entre nous pour aborder les différentes difficultés, pour essayer de les résoudre. Et après, quand le dialogue échoue, eh bien, je peux reprendre ma casquette de juge qui tranche en appliquant la règle de droit. C'est-à-dire, comme disait une de mes collègues, qui est une des pionnières en la matière, Béatrice Brunner, elle disait souvent au parti, c'est une chance supplémentaire qui vous est offerte. Si ça ne marche pas, ça vous coûte quoi? Alors, les conciliateurs de justice, qui sont une institution unique en France, sont bénévoles, sont gratuits. Et les permanences d'information à la médiation sont souvent actuellement gratuites. Après, ce qui devient payant, c'est le coût de la médiation, mais ça n'a rien à voir pour les juristes avec le coût de l'arbitrage. Pour l'instant, c'est tout à fait, abordable. Si ça ne marche pas, eh bien, on revient devant le juge qui fera son métier tout à fait noble de trancher le litige en appliquant la règle de droit. Mais ce dialogue a beaucoup d'effets positifs dans plein de domaines. Je pense aux successions, quelque chose qui concerne nos concitoyens. C'est vrai qu'on aborde souvent la justice pénale. En France, on est toujours un peu encore à l'époque de pot de chair, c'est le fait divers, c'est le crime de sang, etc., qui passionne les foules. La justice du quotidien, qui pourtant concerne des millions de gens par an, on n'en parle pas beaucoup. D'ailleurs, je vous remercie de nous avoir invités pour permettre à nos concitoyens de voir un petit peu comment ça fonctionne et de connaître un peu davantage les arcanes. Mais cette justice du quotidien concerne, alors, au niveau économique, au niveau familial, au niveau personnel, a beaucoup d'importance. Et je pense par exemple à quelque chose qui concerne beaucoup de nos concitoyens, les successions. Si vous avez une succession ou un conflit né à l'occasion du litige, parce que bien souvent c'est lié quand même aux relations qu'on a pu avoir avec son père, avec sa mère, c'était le préféré de papa, eh bien il va le payer au niveau du procès. Donc souvent il y a des rancœurs qui se sont instaurées depuis des années, dont personne n'a osé parler et ne veut pas parler, et qui en fait sont à l'origine du conflit. Souvent le litige, c'est quoi? C'est souvent une construction juridique pour saisir le juge. Mais souvent la question de droit posée au juge ne va pas concerner l'entièreté du conflit, qui a souvent des aspects économiques, émotionnels, relationnels. On ne va pas aller raconter au juge que je vais faire un procès contre mon frère parce que c'était le préféré de papa. Personne ne va vous le dire, ça. Alors, par contre, quand on remet le dialogue, quand le juge, alors évidemment, le juge au Québec a plus de temps que moi pour faire ce rôle du juge bon papa, comme disait Treillard, un des révolutionnaires, qui disait ceci, il appartient au juge de rassembler ses enfants, entre guillemets, et de leur expliquer, bon, certes, ils sont en conflit sur cette affaire, mais que peut-être ils sont frères et sœurs en matière de succession, peut-être qu'ils auront peut-être un intérêt à trouver un accord pour maintenir le lien familial. Voilà. Et ensuite, on tranche. Mais ce dialogue peut être instauré dans plein de domaines. Je vous dis, les conflits collectifs du travail, c'est pareil. Il y a souvent des égos derrière des conflits purement juridiques. Il y a souvent des égos. Il y a souvent des enjeux, parfois, qu'on ne veut pas nous dire, qui peuvent être syndicaux, qui peuvent être qui n'ont rien à voir avec du droit. Et ce dialogue permet parfois de comprendre vraiment où se situe la problématique et d'essayer par le dialogue d'y apporter une réponse. Ça ne marche pas à tous les coups. C'est pas la solution miracle, c'est pas la panacée. Mais à mon avis, ça vaut le coup d'être tenté dans notre société quand même. Je pense que la France, bon, c'est un ancien, je vais rendre hommage aux avocats parce que les juges adorent les avocats. C'est l'ancien bâtonnier Bénichou qui disait ceci, la France est le pays de la castagne. Bon, c'est un petit peu exact. La France est toujours un pays où on est un peu sanguin, on est les latins, on aime bien, lors d'un conflit, eh bien, montrer un peu les biceps. Bien parfois, peut-être, comme vous venez de dire, peut-être que c'est restaurer la parole.